بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد ce jour le 19 du mois de Ramadan de l'année 1440 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Allah Azza wa Jal nous a permis d'assister à cette conférence donnée par notre cheikh Fouad Afwan par notre cheikh Oussama Al-Amri Hafidhahullah Ta'ala qui est le frère de notre cher Fouad Al-Amri, que nous avons eu il y a trois jours de cela. Alhamdulillah. On va simplement, parce que le temps ne le permet pas aujourd'hui, on va faire vraiment une brève présentation du cheikh et on va commencer la traduction, inshallah ta'ala. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, il y avait aussi un appel avec notre cheikh Abdurrahman Muhiddin, Hafidhahullahu tabaraka wa ta'ala, qui fait partie des grands savants de la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Al-Médina, et il nous a donné un petit peu de son temps aujourd'hui. Le cours était retransmis sur la radio Al-Dhikr, et Inch'Allah les frères normalement devraient mettre cela sur le site et sur le Telegram d'ici la journée ou dans la journée de demain Inch'Allah ta'ala. Et donc notre cheikh Abdurrahman Muhiddin, comme je l'ai présenté dans la traduction du cours d'aujourd'hui, comme on a eu l'occasion de le présenter plusieurs fois au fil des années, parce qu'il a l'habitude de nous donner cours tous les ans. Hafidhahullah ta'ala fait partie de nos grands savants, le Kibar al-Ulama, on a qu'à fil Médina, à Médine. Et il est mufti dans la mosquée de Quba, il était mufti dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fait partie de nos grands savants, c'est vraiment un grand bienfait que Allah Azza wa Jal nous accorde de profiter de lui tous les ans comme cela, de profiter de ses conseils et de ses orientations. Hafidhahullahu ta'ala. Donc je vous conseille vraiment d'écouter sa kalima, elle était vraiment très profitable. En ce qui concerne notre cheikh Oussama Ibn Saoud Al-Amri Hafidhahullahu ta'ala, il fait partie des mashayikh de la ville de Jeddah comme son frère cheikh Fouad Al-Amri que nous avons eu il y a trois jours. Rapidement son parcours. Donc on a l'habitude de faire une brève présentation des mashayikh que nous appelons, toujours sur cette parole de cet imam parmi A'imat al-Tabi'in, Muhammad ibn Sirin, radiallahu anhu wa rahimahu, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Certes, cette science est une religion, regardez donc de qui vous la prenez. Donc cette chose-là, comme on a l'habitude de le dire, c'est ton droit et c'est bien souvent une obligation de demander après qui tu viens prendre ta religion, tu viens prendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu viens apprendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc sur cette parole, nous avons l'habitude de faire une brève présentation de chaque cheikh que nous appelons, et plus important encore, le fait de mettre en avant qui sont les ulama ou les cheikhs qui le recommandent et nous permettre de prendre de lui, et nous informe qu'il est viable pour donner cours, viable dans son manhaj, viable dans sa science. Ça, c'est ce qui est le plus important, comme on a l'habitude de le rappeler dans plusieurs introductions auparavant, le fait que certaines personnes ont appris auprès des gens de science parmi les imams de ce siècle, et pourtant ce sont des gens qui au jour d'aujourd'hui se sont égarés. On a rappelé comme Al-Halabi, Abu Yusuf, Mashour Hassan, Al-Uwaisha, tous ces gens qui se prétendaient des élèves de Cheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi, qui fait partie des grands imams de ce siècle sans aucun doute, et qui sont aujourd'hui des gens qui sont égarés. Parmi ceux-là, d'autres personnes qui, comme Abdelmalik Al-Madani, qui a étudié chez les grands savants de la ville de Médine, et malgré cela, il fait partie des gens qui sont égarés. Comme cela, Salman Al-Aouda, comme cela, Safar Al-Hawali, ces gens qui ont profité de l'imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala, qui sont aujourd'hui des gens égarés. Donc vraiment ce cursus-là, c'est une chose que tu demandes afin de savoir de qui tu prends la science, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est bien de voir les recommandations des gens de science pour la personne de qui tu vas prendre la science, qui est quelqu'un. Et le sujet par rapport au test qui a les recommandations, on aura l'occasion de le traiter comme on a l'habitude tous les ans dans les prochains cours, incha'Allah ta'ala. Notre cher Oussama Al-Amri, que nous avons eu aujourd'hui, il a étudié dans l'université de Médine comme son frère, Cheikh Fouad, dans la faculté de Sharia. Son frère, si vous vous rappelez, il a étudié dans la faculté du Hadith. Lui, il a étudié dans la faculté de Sharia, où il a pris donc une licence. Après cela, il a étudié toujours dans la même université, mais dans il a pris donc son master, ce qu'on appelle le magistère, dans l'aqida. Hafidhahullahu ta'ala. Il travaille depuis de nombreuses années comme son frère dans l'Hay'a, Hay'at al-Amr bil-Ma'ruf wa al-Nahy 'anil Munkar. On a rappelé, on a un peu détaillé au dernier cours, donc revenez au dernier cours, qu'est-ce que cette Hay'a, c'est-à-dire ce qu'on pourrait traduire comme la brigade qui est déléguée pour, en Arabie Saoudite, pour ordonner le bien et interdire le blâmable. Et plutôt, il est devenu le directeur de cette brigade ces dernières années. Donc aujourd'hui, il est directeur de la brigade Amr bil Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar, qui est une brigade qui montre les grands bienfaits de ce pays, le Mamlaka al-Arabiya al-Saoudiya, Balad al-Tawhid wa Sunnah, Harasah Allah wa Sa'ira Bilad al-Muslimin. En ce qui concerne notre Cheikh, Cheikh Oussama al-Amri, c'est le petit frère de Cheikh Fouad que nous avons eu il y a trois jours. Et ce Cheikh, Cheikh Oussama, Hafidhahullah ta'ala, est reconnu par nos grands savants, parmi eux Cheikh Ubaid al-Diabiri, Hafidhahullah, Cheikh Rabi' ibn Hadi, l'imam Rabbi al-Nihad al-Madkhali, Hafidhahullah ta'ala, qui le recommande et qui le recommande et qui atteste de sa science et de son bon manhaj. Hafidhahumullah jami'an. Et autre que ces savants comme notre Cheikh aussi Abdurrahman Mouhiddin, que nous avons eu aujourd'hui, qui a l'habitude de venir donner un cours dans sa mosquée, dans la ville de Jeddah, tous les mois, qui le connaît très bien et qui le recommande. Et notre Cheikh, Cheikh Oussama est khatib de l'Jumu'ah dans la mosquée Al-Khalidi dans la ville de Jeddah. Ça c'est pour ceux qui aimeraient le visiter, comme on a dit, le but de ces appels, le fait de faire connaître aussi nos mashayikhs qui sont les mashayikhs de la sunna au public, afin de les orienter vers eux au moment où ils voyageront vers eux, où ils descendront dans ces pays, où ils iront travailler là-bas, où ils iront vivre dans ces pays, afin que tu ne sois pas désorienté, tu saches vers qui te retourner, qui sont les mashayikhs de la sunna dans les endroits où tu vas aller. Donc dans la ville de Jeddah, nous avons eu Cheikh Fouad, nous avons eu Cheikh Oussama, comme je viens de vous dire. Donc il est khatib de Al-Jumu'ah dans Al-Jami' qui est appelé Jami' Al-Khalidi dans cette ville de Jeddah. Barakallahu fikoum. Donc notre cheikh aujourd'hui nous a dispensé un cours. Vraiment, je vais résumer. Vraiment, ce sera comme on a l'habitude de dire. Je ne prétends pas être un traducteur. C'est vraiment une traduction du résumé du cours. En particulier aujourd'hui, du fait que le cours était donc cheikh a donné un cours. Comment dire? Il a été un petit peu rapide donc dans la manière de donner son cours. Hafidhahullahu tabaraka wa ta'ala. Donc je vais vraiment essayer de résumer au mieux l'ensemble du cours, le gros du cours. Et le cours d'aujourd'hui avait pour titre les mérites du Coran. Voilà, le cours d'aujourd'hui avait pour titre les mérites du Coran, les mérites du Coran. Le Cheikh, après une brève introduction, nous dit que le chemin du Coran est le chemin de la guidée. Et le chemin à emprunter afin d'être préservé. D'être préservé de l'égarement et d'être guidé sur la bonne voie. Excusez-moi, juste le mushaf. Le mushaf, s'il te plaît. Il y en avait un juste là sur le bord. Non. Donc le cheikh de nous rappeler la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui dans le sens approximatif de ces versets puis si jamais un guide vous vient de ma part quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne et le jour de la résurrection ne la mèneront aveugle au rassemblement. Le guide ici qui est évoqué dans ce verset est le Coran, le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le cheikh de me dire que ce guide, afin que tu puisses le suivre de la meilleure des manières, il faut que tu y fasses attention, il faut que tu le médites, il faut que tu le comprennes, il faut que tu l'apprennes. Le cheikh de me dire que ce guide est le Coran, le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, et la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle n'est pas créée, elle est venue de lui et vers lui elle retournera. Ça c'est la croyance des gens de la sunna sur ou à propos du livre d'Allah, le Coran. Et le cheikh de me dire que le Coran est une guidée pour les gens, c'est aussi une guérison pour les gens. Ce Coran guide vers la voie qui est la plus juste, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens approximatif de ces paroles. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Et à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, que nous leur avons préparé un châtiment douloureux. Donc certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Le cheikh de nous dire que le Coran guide vers la voie la plus droite, le chemin le plus droit, le chemin le plus clair. Et que ce Coran, comme il est venu dans le verset, annonce la bonne nouvelle aux croyants. Que Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset annonce la bonne nouvelle par ce Coran aux croyants. Ceux qui ont fait des bonnes œuvres, ceux, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans son sens approximatif, ses paroles dans ce verset, qui font de bonnes œuvres, il leur annonce qu'ils auront, par ce Coran, une grande récompense. Et le cheikh de nous dire, ceux qui font des bonnes œuvres, en fonction de ce que le Coran leur aura ordonné, c'est-à-dire qu'ils suivront ses ordres, et qu'ils, les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala contenus dans le Coran, et qu'ils s'écarteront de ses interdits. Et le cheikh de nous dire que celui qui comprend le livre d'Allah azzawajal, qui l'apprend, et qui œuvre en fonction de ce que Allah azzawajal lui aura ordonné dans son livre, celui-là aura cette grande récompense le jour du jugement. Et le cheikh de nous rappeler aussi un autre verset où Allah azzawajal dit dans le sens approximatif de ses paroles, dit qu'il est le Coran pour ceux qui ont cru, une guidée ainsi qu'un remède. Et le cheikh de dire, il est certes le Coran une guidée, un guide vers le bien, vers les sciences profitables, vers les bonnes actions. Ensuite, le cheikh de nous dire, habdallahu ta'ala, qu'il est un guide et un remède pour les gens qui ont la foi. Il est un remède pour eux des maladies du corps ainsi que des maladies du cœur. Comme cela, Allah Azza wa Jalla dit dans le sens approximatif de ses paroles, un livre, parlant du Coran, un livre que nous avons fait descendre qui est béni afin que vous méditiez sur ses sens. Et le cheikh de nous dire que ce Coran, comme nous le dit Allah Azza wa Jalla dans ce verset, il est béni. Il est béni par la grande science et les enseignements profitables qu'il contient. Il est béni par la lumière qu'il dégage, cette lumière par laquelle le serviteur s'éclaire et éclaire son chemin afin d'être guidé sur le droit chemin, afin d'être guidé dans les ténèbres de l'ignorance et des passions. Il est un remède pour ce qu'il y a dans les poitrines, comme le dit Allah Azza wa Jal dans un autre verset. Il est un remède pour ce qu'il y a dans les poitrines, des maladies du corps comme des maladies du cœur. Et le shir de nous dire que Allah Azza wa Jal dans ce verset précédemment cité, c'est-à-dire dans le sens approximatif de ses paroles, un livre que nous avons fait descendre, béni, afin qu'il soit médité, ces versets, afin que vous méditiez sur ces versets. Allah Azza wa Jal dans ce verset, comme nous le dit le shir, nous a montré la sagesse d'avoir fait descendre le Coran sur nous. Cette sagesse et ce but, c'est le fait de méditer sur le sens de ces versets. Et le shir de nous dire que la méditation des sens du Coran est quelque chose de très important, comme le dit ce grand imam, l'imam Sa'di, rahimahullah ta'ala, dans son tafsir. Il dit que la lecture, dans le sens de ses paroles, la lecture du Coran, qui est accompagnée de la méditation du sens de ces versets, est meilleure qu'une lecture qui sera plus rapide et où la personne qui lira aura lu plus de versets, mais sans avoir médité sur leur sens. Et le shir de nous dire, c'est pour cela qu'il convient aux gens de l'islam de lire le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala avec méditation et en étudiant les sciences, en étudiant pardon les sens des versets du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le shir de nous dire que il convient aux gens de l'islam d'étudier les sciences contenues dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, de sortir du livre d'Allah azza wa jalla en le lisant et en le méditant les sagesses qui y sont contenues afin de méditer sur elles. Et le shir hamdallah de nous dire qu'il n'y a pas un bien sans que le Coran nous aille sans que Allah azza wa jalla dans son livre nous ait orienté vers lui. Et il n'y a pas un mal sans que Allah tabaraka wa ta'ala dans son Coran nous ait mis en garde contre ce dernier. Et le shir de nous dire que le Coran contient les bases et les fondements de notre religion. Ainsi, le Coran guide vers la piété, qui est une cause de miséricorde. Comme nous le dit Allah Azza wa Jalla dans le sens approximatif de ses paroles, et craignez-le, ainsi vous il vous sera fait miséricorde. Et le shir de nous dire que la crainte et la piété, la crainte révérentielle, la taqwa, ne peut être atteinte que par l'étude du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le shir de nous dire que les gens de science ont dit que parmi les causes les plus importante par laquelle le serviteur atteint la miséricorde d'Allah Azza wa Jal ou se voit accorder la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est le fait de suivre le Coran, de suivre ses enseignements. Comme dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la religion est le conseil. Et lorsque ses compagnons radhiyallahu alayhim lui ont demandé à propos de cela, Il dit, pour Allah, le conseil pour Allah, pour son livre, pour ses envoyés, jusqu'à la fin du hadith. Et ce que le shir a relevé ici, c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il dit dans ce hadith, le conseil pour son livre. Et il nous explique qu'est-ce que le conseil pour son livre. Et il nous rapporte la parole de ce savant qui est Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, où il dit dans le sens approximatif de ses paroles le conseil pour le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ce hadith, c'est l'amour intense porté à celui-ci, le fait de grandir ou de l'élever en degré, c'est-à-dire de sentir l'élévation du degré, de sentir sur nous l'élévation du degré du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de lui porter de l'attention dans sa méditation, de lui porter de l'attention dans sa compréhension, dans son étude, dans la manière de le transmettre, ainsi dans le fait d'apprendre des comportements vers lesquels guide le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, et de méditer sur le sens de ces versets, le fait d'être persuadé que c'est la parole du Créateur tabaraka wa ta'ala, tout ceci sont, ou toutes ces choses que Al-Hafidh Ibn Rajab a rappelées, forment ou sont le fait de le conseil pour le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans ce hadith. Et le shir de nous dire que celui qui conseille pour le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, il porte une attention particulière à sa compréhension et à œuvrer selon ce que le Coran nous ordonne, selon ce que le Coran nous ordonne, d'œuvrer les bonnes œuvres vers lesquelles nous oriente le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi ces bonnes œuvres, as-salah, was-zakah, wal-hajj, was-siyam, etc. Le shir de nous dire que une fois que cette personne aura porté une attention particulière à l'apprentissage du Coran, il devra porter son attention sur le fait de l'enseigner aux gens, et le shir de nous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent le Coran mais qui n'œuvrent pas selon ses enseignements. Et qu'ils ne s'arrêtent pas à ses interdits et qu'ils n'obéissent pas à ses ordres. Et celui qui fait cela, eh bien, sa lecture du Coran n'aura pas dépassé sa gorge. Et il y a dans cela une ressemblance à Al-Khawarij, puisque, comme nous le shir nous le rappelle, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cette secte qui est la secte d'Al-Khawarij, et il nous a mis en garde, lorsqu'il nous a mis en garde contre eux, il nous a rappelé certaines de leurs caractéristiques, et parmi ces caractéristiques, ceci, comme il le dit dans le sens approximatif de ses paroles, qu'ils lisent le Coran, qu'ils ne dépassent pas, c'est-à-dire le Coran, leur gorge, c'est-à-dire qu'ils le lisent sans le comprendre et sans œuvrer selon ce que le Coran ordonne et selon ses orientations. Et le shir de nous rappeler que cette secte, la secte d'Al-Khawarij, est une secte égarée qui, malgré l'intérêt qu'il portait au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme le shir nous l'a nous a rappelé donc ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il lise le Coran, et dans certains hadiths où il lise le Coran plus encore que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que certains d'entre eux dévalorisent sa lecture lorsqu'il la compare à leur lecture. Eh bien, le shir nous dit que malgré cela, nous voyons que ce sont des gens qui sont égarés, qui ont combattu et qui ont tué as-sahaba, comme ils ont tué Uthman radiallahu anhu, comme ils ont tué Ali radiallahu anhu, an as-sahabati ajma'in. Puis le shir de nous rappeler certains ahadiths, certaines paroles prophétiques, certaines traditions prophétiques qui portent portent au, qui ont attrait au mérite du livre d'Allah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses hadiths nous montre les mérites et les bienfaits du Coran. Comme cela, ce hadith qui est rapporté par Uthman radiallahu anhu, il dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens approximatif de ses paroles, le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. Comme cela, une version de ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed dans ce musnad, le plus méritant d'entre vous est celui qui a appris le Coran et qui l'aura enseigné. Le cheikh ensuite de nous rappeler donc la première version, donc le meilleur d'entre vous, celle-ci est rapportée par l'imam al-Bukhari dans son sahih, et le cheikh de nous rappeler la parole de ce savant qui est Ibn Battal, qui a commenté le recueil authentique de l'imam al-Bukhari, où il rappelle une parole qui dans le sens approximatif de ces paroles nous dit que ce hadith montre que la lecture du Coran est la meilleure des œuvres, la meilleure de toutes les œuvres. Et le mérite de la personne sera en fonction de sa lecture du Coran et en fonction de son apprentissage et de son enseignement de ce dernier. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il en fera plus, il sera plus méritant. Donc le mérite d'une personne est en relation avec sa lecture, son apprentissage et son enseignement du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, et le bien ne cessera pas d'être sur cette personne et son mérite ne se restera pas jusqu'à ce qu'il abandonne cela. Ensuite, le shir nous rappelle certains hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens approximatif de ses paroles, lisez le Coran car il viendra intercéder pour vous le jour du jugement. Dans un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens de ses paroles, il dit lisez Az-Zahrawayn, donc il vise par cela Al-Baqara wa Ali Imran, car ils viendront c'est comme un sens de préserver cette personne, d'être un bouclier pour lui yawm al-qiyama, dans un sens approximatif. Az-Zahrawayn, c'est-à-dire Al-Baqara wa Ali Imran, ils viendront intercéder pour lui, ils seront comme une chose qui le préservera au ce jour-là. Et le shir de nous rappeler un autre hadith où il dit lisez Al-Baqara, lisez surat Al-Baqara, car il y a dans le fait de préserver sa lecture une baraka, une bénédiction, dans le fait de délaisser cette surah, un regret, et que Al-Batala ne peuvent pas n'ont aucun pouvoir sur cette surah. Il va expliquer un petit peu après qu'est-ce que Al-Batala. Et le shir de nous dire que tous ces ahadiths nous montrent l'intérêt que doit porter le musulman au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, et le bien et les mérites que le Coran, le livre d'Allah azza wa jal, renferme. Puis le shir de nous rappeler cette parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où il dit dans le sens approximatif de ses paroles, le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Le Coran est une preuve pour toi si tu l'as appris et si tu as œuvré en fonction de ce que ce dernier t'ordonne et sur ce que ce dernier t'oriente, et il est une preuve contre toi si tu as délaissé le fait d'œuvrer selon ses enseignements. Selon ses enseignements. Puis le shir de commenter cette parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs hadiths nous dit que le Coran viendra intercéder pour ceux qui l'ont lu, ceux qui l'ont enseigné, pour ses compagnons, comme il est venu dans le hadith. Il viendra intercéder pour ses compagnons. Il nous dit que ses compagnons sont ceux, comme il l'a rappelé précédemment, ceux qui l'ont lu, ceux qui l'ont appris, ceux qui l'ont enseigné, ceux qui l'ont psalmodié, etc. Le shir doit nous dire que les hadiths sur les mérites du Coran sont il y a beaucoup de hadiths sur les mérites du Coran. Le shir doit nous dire que surat al-Baqarah, il y a ce hadith qu'il a rappelé précédemment, qui est un hadith extraordinaire qui montre le grand mérite de cette surah, surat al-Baqarah. Il nous dit que il y a dans cela, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc le fait de garder cette surah, c'est-à-dire de la lire et de l'apprendre, il y a dans cela une baraka, c'est-à-dire une bénédiction. Et le shir nous dit que le baraka, donc il nous explique que le baraka c'est le bien. Et le bien abondant et le fait que ce bien reste et ne s'en va pas. Il y a dans Surat al-Baqarah le fait de, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit dans le hadith, dans le sens approximatif de ses paroles, le fait de délaisser cette surah, il y a un regret. Et ensuite, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que al-Batala n'a aucun pouvoir sur cette surah, surat al-Baqarah. Et le shir de nous dire que certains parmi les rapporteurs du hadith ont expliqué ce terme al-Batala comme étant as-Sahara, c'est-à-dire les sorciers ou les sorciers. Les sorciers n'ont aucun pouvoir sur cette surah, sur al-Baqarah. Le shir de nous dire que les gens de science ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés comme cela, al-Batala, car ce sont des gens qui défendent le faux. Sahara, les magiciens, les sorciers, sont des gens qui défendent le faux. Ils n'ont aucun pouvoir sur cette dernière, ils ne peuvent ni la lire, car il y a beaucoup de guidés dans celle-ci, il y a beaucoup de preuves qui vont à l'encontre du faux sur lequel ils sont et qu'ils défendent. Ils ne peuvent ni le lire, ni l'entendre. Puis le shir de me dire que certains parmi les gens de science ont dit que al-Batala ce sont les gens de la fainéantise. C'est quelque chose, c'est un terme qui est possible d'être inventé comme cela dans la langue arabe. Ce sont les gens de la fainéantise. Donc le shir de me dire que les gens qui sont fainéants, qui ont cette fainéantise, ne peuvent pas lire cette surah, ils n'y arrivent pas. Ensuite le shir de nous dire pourquoi elles ont été appelées Zahrawain. Le shir de me dire car elles sont la lumière que ces deux dernières, la lumière dans la guidée que ces deux dernières contiennent, al-Baqara donc wa Ali Imran, c'est de là qu'ils sont appelés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Zahrawain, et par le grand nombre de versets par ces grands enseignements qui sont contenus dans ces deux dernières et la guidée qu'elles contiennent. Et le shir de nous dire que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, c'est que ces deux derniers seront une lumière pour celui qui les aura lu et qui les aura appris au jour du jugement. Et le shir de nous dire que tous ces avis que nous avons rappelés, il y a certains avis qui sont différents, parfois les gens de science divergent sur l'explication de tel et tel verset ou de tel et tel hadith, mais cela est une divergence qui ne va pas, dont les plusieurs avis cités ne vont pas les uns à l'encontre des autres. Plutôt, c'est une divergence certains expliquent d'une telle sorte et d'autres d'une autre sorte, et ne vont pas ces paroles l'un à l'encontre de l'autre. Pour le shir de nous rappeler cette parole d'Allah Azza wa Jal dans le sens approximatif de ces paroles, où il dit que Allah Azza wa Jal élève ceux qui ont cru parmi vous et ceux à qui il a été accordé le savoir. Le shir de nous dire que certains parmi les gens de science ont dit que ceux qui ont été, à qui il a été accordé le savoir, sont ceux qui ont lu le Coran. Et le shir de nous dire ce qui est vrai, ce qui est véridique dans cela, c'est que les gens à qui ont été accordé le savoir, c'est un terme plus général, comme le citent certains parmi les ulama, certains parmi les savants du tafsir, comme l'imam al-Qurtubi, où il dit que le savoir est un sens plus général que le Coran et sa lecture, mais plutôt c'est la science de la législation islamique, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, et cela est plus proche de la vérité selon notre cheikh Abdallahou Ta'ala. Et le cheikh doit nous dire que c'est l'ensemble des gens de science qui sont élevés par rapport à ceux qui sont en dessous de cela, comme celui qui lit simplement le Coran mais qui ne l'apprend pas, comme celui qui œuvre simplement des bonnes œuvres mais qui ne fait pas d'efforts dans l'apprentissage de sa religion. Eh bien, celui qui se sera vu accorder le savoir sera élevé par Allah Tabaraka wa Ta'ala par rapport à celui qui ne sera pas vu accorder le savoir. Et le cheikh de nous rappeler que cheikh l'islam Mohammed ibn Abdul Wahhab a rappelé ce verset dans son livre Fadail al-Qur'an, les mérites du Qur'an, sous une porte, la porte du mérite de la lecture du Qur'an. Et le cheikh de nous dire que ceci est encore plus général comme il vient de l'expliquer. C'est-à-dire que ceux qui se sont vus accorder le savoir, ce ne sont pas ceux qui lisent le Coran simplement, mais ceux qui le comprennent, ceux qui l'expliquent, ceux qui comprennent et qui apprennent la science, légiférer la science de la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et le cheikh de nous dire, d'appuyer sur ce point, de nous dire que ce verset nous montre clairement que l'élévation auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'une personne soit élevée auprès d'Allah azza wa jal, ceci se fait par le fait qu'il aura œuvré des bonnes œuvres et qu'il se sera vu accorder le savoir, qu'il aura recherché la science, pas simplement par la lecture du Coran, par le fait de psalmodier le Coran d'une bonne manière. Ce n'est pas ça seulement. Donc celui qui aura un savoir et qui fera des bonnes œuvres, celui-là sera élevé auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le cheikh nous enjoint à avancer sur cela, à avancer sur le fait de lire beaucoup le Coran et de l'apprendre, de le méditer, de l'enseigner, d'apprendre son tafsir, d'apprendre son explication, c'est-à-dire son exégèse comme ils le traduisent communément à tafsir. Et il nous enjoint d'avancer sur cela, car c'est sur cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint dans tous ces hadiths qu'il a rappelés précédemment, et comme cela tous ces versets que le cheikh nous a rappelés précédemment dans ce cours qui était très profitable. Ensuite le cheikh, il termine, proche de la fin du cours, donc nous rappelle ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens approximatif de ses paroles, celui qui est non, il dit dans le sens approximatif de ses paroles, celui qui est expert dans la lecture du Coran, celui-là sera avec, dans le sens approximatif des paroles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est expert dans la lecture du Coran, ou voilà, dans la récitation du Coran, celui-là sera avec les émissaires, les nobles émissaires, se trouvera avec les nobles émissaires. Et celui qui a du mal à lire le Coran et qui bégaye dans sa lecture, eh bien celui-là se verra octroyer deux récompenses. Le cheikh de nous dire, lorsqu'il commente ce hadith, que ce hadith nous montre le mérite de la lecture du Coran et d'en être expert, comme on pourrait le traduire, d'en être expert dans sa lecture, c'est-à-dire d'avoir acquis une science dans la lecture du Coran, le fait de le psalmodier, de le lire d'une bonne manière. Il nous montre ce mérite. Car cette personne sera avec de nobles émissaires, il se trouvera avec de nobles émissaires d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le cheikh de nous dire que c'est celui qui sera le psalmodier de la meilleure des manières et qu'il n'aura pas de mal à le lire. Lorsqu'il le lira, il aura une lecture qui sera fluide et il n'aura pas de mal à le lire. A l'inverse de cela, celui que le prophète a rappelé dans la deuxième partie du hadith, celui qui lui aura du mal à lire le Coran et qui bégayera dans sa lecture, eh bien celui-là, le shir de nous dire, regardez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il aura quand même deux récompenses. Cette personne-là, il est appelé celui qui bégaye et qui a du mal dans sa lecture, car il n'aura peut-être pas appris, le shir nous dit, il aura une mémorisation qui sera faible, il aura une difficulté dans la récitation. Tout cela englobe cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui bégaye et qui aura du mal à le lire. Et le shir nous dit, regardez, il aura quand même deux récompenses. Il aura la récompense de la lecture et il aura la récompense de l'effort qu'il aura fait. Et comme cela, les gens de science disent que la récompense est en fonction de l'effort que tu auras fait. Et comme cela, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit à notre mère Aisha radiallahu anha, ta récompense est en fonction de ta fatigue, de la fatigue que tu auras ou de l'effort que tu auras dépensé, de ta fatigue dans cela. Et le shir de nous dire, ne pensez pas que cela veut dire qu'il sera meilleur que le premier. Ce n'est pas parce qu'il a deux récompenses qu'il sera meilleur que le premier, car le premier sera élevé à un rang méritoire qui sera le rang d'être avec des nobles émissaires d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas de doute que cela est plus méritoire que le deuxième qui aura deux récompenses, mais regardez, le deuxième aura quand même ces deux récompenses. Et le shir nous dit que dans les mérites du Coran, il y a beaucoup de hadith qui montre cela. Et le shir de nous dire que le Coran est le chemin d'Allah Azza wa Jal droit, il est aussi le câble d'Allah tabaraka wa ta'ala par lequel on s'accroche. Et le shir de nous dire que celui qui l'aura pris, il sera guidé. Celui qui l'aura délaissé, il sera égaré. Cela, c'est une parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Et dans un hadith, le Cheikh nous rapporte un hadith où le prophète dit que le livre d'Allah Azza wa Jal, c'est le câble d'Allah qui est tendu entre lui et la terre. C'est le câble d'Allah qui est tendu entre lui et les gens de la terre. Et il nous rappelle, je parle de cet imam qui est Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, où ce dernier dit, dans le sens approximatif de ses paroles, que le câble d'Allah, c'est celui celui qui lie le serviteur à son seigneur, par lequel il apprend le serviteur à son seigneur et par lequel il apprend ce serviteur à connaître son seigneur tabaraka wa ta'ala. Le shir nous rappelle, et il termine par cela, une parole de Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, où il dit qu'il est impératif de savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons l'essence du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme il leur a récité le Coran, il leur a appris à réciter le Coran, il leur a aussi enseigné l'essence de ces versets. Ceci est quelque chose d'impératif de savoir cela. Et le shir de nous dire, au jour d'aujourd'hui, nous voyons des gens qui, eux, font des efforts dans l'apprentissage et l'enseignement du Coran, mais qui ne font pas ces efforts dans l'apprentissage du sens des versets du Coran. Comme faisaient ces sahaba, radhiyallahu anhum, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'effort dans la compréhension du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Dans cela, pour illustrer cela, le shir nous rappelle cette parole de ce grand tabi'i, qui est Abu Abdurrahman Sulami, rahimahullahu ta'ala, où il disait que nous avons appris de ceux qui nous ont enseigné le Coran, Uthman ibn Affan, Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhuma, qu'une personne ne lisait pas à leur époque dix versets ou qu'elle ne dépassait pas dix versets avant de les avoir appris et d'avoir appris tout ce qu'il renfermait. Et il termine en disant que ce qu'il a appris de cela, donc de sahaba, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'ils ont appris le Coran et la foi avec celui-ci, c'est-à-dire qu'ils apprenaient le Coran, ils apprenaient les enseignements en même temps qu'ils apprenaient le Coran, donc ils ne dépassaient pas 10 versets sans avoir appris tout ce qu'il y avait à savoir sur ces derniers. Ils ont appris le Coran et la foi en même temps. Comme cela, le Cheikh nous illustre cela par la parole de Anas ibn Malik, radiallahu an, où il dit qu'une personne parmi eux, c'est-à-dire parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lisait Surat al-Baqara wa Ali Imran, eh bien, c'était quelqu'un qui était élevé à leurs yeux. C'était quelqu'un qui était élevé, qui était méritoire à leurs yeux. Et le Cheikh doit dire, car ces derniers, lorsqu'ils apprenaient Al-Baqara wa Ali Imran, ils l'apprenaient comme Abu Abdurrahman As-Sulami nous l'a dit dans l'Athar qu'il a rappelé avant cela. C'est-à-dire qu'ils l'apprenaient avec tous les enseignements qu'il y avait dedans et en méditant sur le sens de ces versets. Donc celui auprès de Sahaba, celui qui apprenait Al-Baqara wa Ali Imran, c'était quelqu'un qui était élevé, qui était très méritoire à leurs yeux. Comme cela, le Cheikh nous rappelle que Ibn Omar, radiallahu anhuma, a appris Surat al-Baqara, a appris à mémoriser Surat al-Baqara en 8 ans. Certains ont divergé sur le nombre d'années et certains ont dit qu'il l'a mis 8 ans pour apprendre Surat al-Baqara. Pourquoi ? Parce qu'il apprenait comme il a précédé dans les Athar que le Cheikh a rappelé. Et comme cela, le Cheikh nous rappelle la parole d'Allah Azza wa Jalla où il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, ne méditent-ils pas sur le Coran, ou plutôt il y a sur leur cœur des cadenas. Et la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, où il dit que le fait de méditer sur le Coran sans le comprendre ou sans comprendre l'essence du Coran, ceci n'est pas possible. C'est-à-dire ici, ce qu'il veut dire, c'est l'essence en eux-mêmes, c'est-à-dire la méditation sans comprendre l'essence, par exemple, de langue arabe qui sont dans le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Cheikh l'Islam nous dit que ce n'est pas possible. Et ensuite, il rappelle, notre cheikh, la parole de Abdullah ibn Mas'ud, où il dit que les gens du Coran sont les gens d'Allah. Les gens du Coran sont les gens d'Allah et ses proches. Les gens d'Allah et ses proches. Les gens qui sont proches d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le Cheikh de nous dire que les gens du Coran sont ceux qui s'arrêtent aux limites qui sont fixées par le Coran, ceux qui œuvrent selon les enseignements du Coran, ceux qui obéissent aux ordres dans le Coran, ceux qui s'arrêtent de faire les interdits évoqués dans le Coran, ceux-là sont les gens du Coran, ce sont les gens d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le Cheikh de nous dire, il nous convient d'être avide, d'apprendre le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de le comprendre et de le lire abondamment. Et comme cela, il rappelle une parole de l'imam al-Awza'i, il dit, 5 choses étaient sur lesquelles étaient les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui les ont suivis dans le bien. Parmi ces 5 choses, la lecture du livre d'Allah, c'est-à-dire ce sont des choses par lesquelles ils se caractérisaient. Parmi ces 5 choses, la lecture du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le Cheikh termina en rappelant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Allah azza wa jalla rapporte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit, ô mon Seigneur, certes mon peuple a pris ce Coran s'est écarté de ce Coran, et dans le sens approximatif de ces paroles. Et ici le Cheikh nous rappelle la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, où il dit que le fait de s'écarter du Coran est de 5 sortes. Le fait de s'écarter du Coran en ne l'écoutant pas et en ne le lisant pas, le fait de s'écarter du Coran en n'œuvrant pas selon ses enseignements, le fait de s'écarter du Coran en ne revenant pas vers lui dans les affaires de notre religion, le fait de s'écarter du Coran en ne le méditant pas, et le fait de s'écarter du Coran en ne se soignant pas avec ce dernier. Soigner l'ensemble des maladies du cœur et du corps. Et le Cheikh de nous dire que l'imam Ibn Qayyim rahimahullah, après avoir cité ces 5 sortes du fait de s'écarter du Coran, eh bien il dit que certains sont pires que d'autres. Et le Cheikh de nous rappeler la parole de l'imam Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, où il dit que le fait de s'écarter du Coran, al-hajr, du Coran est de 2 sortes, le fait de s'écarter de lui dans sa lecture, c'est-à-dire de ne pas le lire, et le fait de s'écarter de lui dans le fait d'œuvrer selon ses enseignements. Et le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, de dire que le fait de s'écarter de lui dans ses enseignements, c'est-à-dire de ne pas suivre ses enseignements, est pire que le fait de s'écarter dans sa lecture. Car dans sa lecture, le plus souvent, il n'y a pas une maison parmi les musulmans des musulmans sans qu'il y ait une personne qui lise la moindre des choses et le Fatiha. Donc c'est une chose qui est presque impensable, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymeen ici, que les musulmans délaissent la lecture du Coran. Mais par contre, qu'ils délaissent le fait d'œuvrer selon ses enseignements, c'est une chose que nous pouvons voir, et cela est pire. Et cela fait partie des caractéristiques dans lesquelles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué lorsqu'il caractérisa Al-Khawarij, le fait qu'ils lisaient le Coran abondamment, mais qu'ils ont délaissé l'œuvre, le fait d'œuvrer selon le Coran. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.